viens à vous, chère maîtresse. Je viens à vous, les larmes aux yeux. Je viens à vous, les larmes aux yeux, le cœur tout empli de tristesse. Je viens à vous, les larmes aux yeux, c'est pour vous faire mes adieux. Ne pleurez pas, ma bien-aimée, n'aggravez pas mon malheur. N'aggravez pas mon malheur, il me faut partir pour l'armée. N'aggravez pas mon malheur, j'ai tant de peine dans mon cœur. S'il plaît à Dieu, je reviendrai. S'il plaît à Dieu, je reviendrai, le cœur tout empli de tendresse. S'il plaît à Dieu, je reviendrai, fidèlement vous m'attendrez. La la la la, la la la la.